et nous en voir toutes les couleurs. Vas-y, envoie. Et nous avaler quelques couleurs. Yeah, yeah. Yeah. Vas-y, balance-nous tes chalags. Des blabla, des blabla. Raconte tout, c'est ça. Ouais. Bla bla. Raconte-nous tes salades, tes salades. Invente-moi des poèmes, je crois au conte de fées. Comment je peux kiffer ma bohème? Vu tout le mal qu'on se fait, fais-nous croire que tu nous appelles pas les sans-dents, que c'est pas les élites, mais bien le peuple qui crée les tendances. Fais-moi croire qu'on est tous égaux dans ce bordel, qu'on fout la merde, mais que la planète est encore belle, que le bonheur passe par le succès, peu importe la manière, qu'on peut réussir en trahissant la bannière, hein. Fais-nous croire que dans le ghetto y'a des valeurs, qu'on est tous soudés, qu'on finira tous footballeurs, que se faire sauter c'est pas péché, bien trop facile. Facile de laisser pousser la haine dans les cœurs asséchés. Invente-moi donc des poèmes, des poèmes. Yeah. Que je crois au conte de fées, que je puisse kiffer ma bohème, vu tout mal qu'on se fait. Vas-y, balance-nous tes chalags, raconte tout, c'est ça. C'est singe quand ce genre de paroles sort, ça peut nous aider. Raconte-nous tes salades, balance tout, c'est ça. Quand c'était sale, quand sous ne parle au sol, un peu moussédé. Quand je finirai par oublier, fais-moi m'asseoir. Grand nom, je n'irai pas roupiller, fais-moi ma soirée. Balance-nous tes chalags, raconte-nous tes salades. Raconte-nous, c'est ça, je les prendrai tous tes salades. Ouais frère, tu auras terre et t'as de rubis ici. Tu me fais croire que mon pauvre père est t'as de rudis ici. Et que c'est bon dès lors que l'inverse est dehors. Que je suis compensé, que la merde c'est de la merde, qu'à l'inverse c'est de l'or. Que je noirai rien dans un bac criant, sûr de tout niquer. Que je la verrai dans un parc riant, sur le tourniquet. Fais-moi croire qu'on serait fou d'elle et changer l'âme de qui. Que les perles sur les joues d'Ève sont des larmes de kiff. Ouais vas-y, mutonne-moi la phrase, je veux entendre tout. Que je pèse pas 8 tonnes dans la vase, que le vent tendre tourne. Vu que c'est pas long prier, juste vie c'est talent. Que la mort n'est qu'une saison de plus, fils au calendrier. Qu'on est tout près de palper, que jamais ne cessera. Que le cœur de ma mère de taper, jamais ne cessera. J'ai deux, trois règles à méditer, j'essaierai. Raconte et je te croirai, mais la vérité j'essaierai. Vas-y, balance-nous tes chalags, raconte tout, c'est ça. C'est sage quand ce genre de paroles sort, ça peut nous aider. Raconte-nous tes salades, balance tout, c'est ça. Quand c'était sale, quand sous nos pas le sol, un peu moussédé. Grand, je finirai par oublier, fais-moi m'asseoir. Grand, non, je n'irai pas oublier, fais-moi ma soirée. Balance tous tes chalags, raconte tous tes salades. Raconte-nous, c'est ça, je les prendrai tous tes salades. Ouais, fais-moi croire que le pen fait fuir les voleurs de son palier. Ouais, raconte-moi des fables, que le fric et le bonheur ne sont pas liés. Quand le cœur lui s'est taré, les poches à sec arides. Fais-moi croire que t'es pauvre et que tes mioches se mettent à rire. Fais-moi boire tes salames à l'entonnoir inverse. Raconte-moi tes salades, chantonne-moi des berceuses. Enraye-nous ces calaches, non, tu ne peux faire ça des personnes. C'est ferme ta chatte et perce, fais tes fers à les belles sommes. Fais-moi croire qu'elles guérissent, c'est fou que je rappe sur l'inertie. Nos plus belles années périssent, bah fais-moi revoir Percy. Plus de 15 neurones par spliff, putain de rôle pardi. Fais-moi croire que les frères signent pour plus d'un euro par disque. Les stars du rap, à pas le réel, ont criblé le beau message. Une tare du rap, c'est pas Hellel gros, j'peux pas gober ça. Yo, fais-moi croire que les census cachent, que le foot descend du singe, tu te fous du son du cash. Que c'est pas foutu, que le foot est sans trucage. Yeah. Vas-y, balance-nous tes chalags, raconte tout, c'est ça. C'est sage quand ce genre de paroles sort, ça peut nous aider. Raconte-nous tes salades, balance tout, c'est ça. Quand c'était sale, quand sous ne parle au sol, un peu moussédé. Quand je finirai par oublier, fais-moi m'asseoir. Grand nom, je n'irai par oublier, fais-moi ma soirée. Balance-nous tes chalags, raconte-nous tes salades. Raconte-nous, c'est ça, je les prendrai tous tes salades.